Mireille Kanyang. Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio Sanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 6 avril, dont voici les grandes articulations. Commémoration ce 6 avril du 25e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira, qui mettait en avant la discipline dans son parti d'origine et le parti Sawanya Frodebu. L'on demande à la communauté internationale d'intervenir pour que la justice éclate au grand jour sur son assassinat. Le groupe des pays partenaires techniques et financiers du Burundi dit être préoccupé par la récente décision du Conseil national de la communication CNC de retirer la licence d'exploitation à la BBC et la suspension des émissions de la radio Voix d'Amérique. Vous l'entendrez dans cette édition. Et la Commission nationale des terres et autres biens CNTB a désormais le droit de faire opposition des titres ou certificats fonciers déjà hypothéqués, des précisions du porte-parole de cette commission dans cette édition. Et ce samedi 6 avril également, nous commémorons le 23e anniversaire après la mort du chanteur burundais Chanjo Amisi. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kugiman. La radio de l'avenir. Rebonsoir. Le Burundi commémore ce samedi 6 avril 2019 le 25e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira, assassiné le 6 avril 1994 avec le chef de l'État rwandais Juvenal Habyarimana dans un crash d'avion au-dessus de l'aéroport de Kanombe près de Kigali au Rwanda. Et dans son discours d'investiture, le président Cyprien Ntaryamira avait mis en avant la discipline. Les hommes sont égaux devant Dieu, devant la loi, a-t-il martelé dans son discours d'investiture. La communauté donc internationale devrait intervenir pour que la justice éclate au grand jour sur l'assassinat de feu Cyprien Ntaryamira. C'est du moins l'avis de Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu. Il a dit justement ce samedi lors de la commémoration de ce triste anniversaire. Je vous prie de le suivre. Tous les Burundais, comme je le dis, jusqu'à ce jour, ils se demandent pourquoi est-ce que la communauté internationale, les puissances, les organisations internationales qui ont le mandat, qui ont les moyens de le faire, pourquoi ils n'ont pas encore fait une enquête sérieuse pour montrer aux Burundais celui qui a assassiné leur président. Tous les Burundais se posent encore cette question et continueront à se la poser aussi longtemps qu'il n'y a pas de lumière. J'ai entendu sur France 24 que la France est en train de mettre sur pied une équipe pour réouvrir toutes les archives en rapport avec le génocide rwandais. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent qu'ils sont en train d'ouvrir toutes les archives en rapport avec l'assassinat des présidents du Burundi et du Rwanda. Que cela aussi fasse partie de cette réalité. Alors, comme manifestement la communauté internationale ne veut pas le faire, alors, nous demandons au gouvernement du Burundi d'engager des procédures, de chercher des spécialistes au niveau national et au niveau international qui sont d'accord avec tous ces principes pour qu'eux aussi ils fassent leurs propres investigations afin qu'un jour, notre gouvernement soit capable de dire, écoutez, ceux qui ont assassiné le président Ntaryamira, c'est ceux-là. Pour que le Burundi, enfin, on puisse connaître la vérité. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu, au micro d'Aimé Richard Niyonkuru. Le gouvernement du Burundi envisage de réformer le service national de renseignement dans le but de se conformer à la nouvelle constitution du Burundi. Dans le procès verbal du Conseil des ministres tenu au cours de cette semaine, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Nahogwamiye, regrette que le service national de renseignement se soit beaucoup focalisé sur des menaces internes plutôt qu'externes. Suivez. La réforme engagée ouvre la voie à la synergie du service national de renseignement avec les autres services de renseignement similaires et partenaires pour une lutte commune contre ces menaces. La réforme met également l'accent sur l'organisation et l'élargissement des missions du Service national de renseignement afin d'embrasser toute la vie nationale afin de répondre intégralement aux besoins des citoyens. Celui-ci est en effet en même temps participant à la production des renseignements et bénéficiaire. Le Service national de renseignement s'est longtemps focalisé sur les menaces internes au détriment des grandes menaces provenant de l'extérieur. Le développement des antennes extérieures est un autre aspect de la réforme. Afin de rendre ce service plus professionnel et conforme à la nouvelle constitution, la réforme préconise la création d'un centre de formation aux sciences du renseignement qui va dispenser une formation appropriée à ses cadres et agents. Enfin, le caractère secret du Service national de renseignement, ne mettant pas en cause le principe de redevabilité et de bonne gouvernance, le projet de loi propose la mise en place d'un organe de contrôle interne au sein de cette structure. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques corrections. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette actualité par la page coopération. Le groupe des pays partenaires techniques et financiers du Burundi se dit préoccupé par la récente décision du gouvernement burundais de suspendre jusqu'à nouvel ordre les émissions de la radio Voix d'Amérique et de retirer sa licence d'exploitation à la BBC. Dans sa déclaration du 5 avril de cette année, ce groupe de 10 puissances mondiales et l'Union européenne dit qu'il reste à la disposition du gouvernement du Burundi pour des consultations ultérieures. Évariste Nzekobanyanga pour le contenu de cette déclaration. Le groupe de partenaires techniques et financiers exprime sa préoccupation face à ce qu'il appelle les restrictions à la liberté des médias et à la capacité des journalistes professionnels d'exercer leur métier dans un environnement libre d'oppression ou influence extérieure. Ce groupe lance un appel au gouvernement du Burundi à respecter ses engagements internationaux concernant la liberté d'expression, le droit au rassemblement pacifique et à la liberté d'association. Ce groupe encourage cependant le gouvernement à préserver un espace pour des discussions publiques libres et ouvertes, notamment dans les médias et pour tous les partis politiques. Ce cadre doit permettre, selon le même groupe, des échanges d'informations qui font partie intégrante d'une démocratie solide et inclusive en vue de soutenir des élections crédibles, transparentes et ouvertes en 2020. Le groupe des partenaires techniques et financiers du Burundi réitère son engagement ferme d'accompagner le peuple burundais dans sa quête pour un avenir meilleur. Ce groupe clôture sa déclaration de ce 5 avril qu'il reste à la disposition du gouvernement pour des conclusions ultérieures. Le gouvernement burundais accuse la Voix de l'Amérique d'avoir embauché un journaliste recherché par la justice burundaise et la BBC d'avoir réalisé un film plein de mensonges ternissant l'image du Burundi dans le concert des nations. Je vous l'avais annoncé en titre, la Commission nationale des terres et autres biens CNTB a désormais le droit de faire opposition des titres ou certificats fonciers déjà hypothéqués. C'est l'un des articles amendés de la loi régissant la CNTB, comme l'a annoncé hier le porte-parole de cette commission. Dans une conférence de presse, Dieudonné Mbonimpa a ajouté que dans ce cas, ce sont les banques ou autres institutions financières qui seront saisies pour opposition. Suivez. L'article 6, la commission est saisie à la requête des sinistrés ou d'un occupant secondaire ayant un différend avec un sinistré. Elle peut également se saisir d'office en ce qui concerne les biens immeubles et meubles du domaine de l'État. Dès la saisine de la commission, les certificats ou titres fonciers des terres et autres biens faisant l'objet du litige ou autres garanties font objet de saisie conservatoire par la Commission nationale des terres et autres biens. Il est dressé un rapport de saisie qui est communiqué au président de la Cour spéciale des terres et autres biens dans un délai de 15 jours. Celui-ci en prend acte sous forme d'une ordonnance motivée dont une copie est réservée à la Cour et une autre à la Commission nationale des terres et autres biens. Pour les certificats ou titres fonciers déjà hypothéqués, la Commission saisit les banques ou autres institutions financières pour opposition. Les copies des décisions rendues par la Commission nationale des terres et autres biens en matière des biens immeubles et meubles du domaine de l'État et le procès verbal d'exécution interné par un arrêt de la Cour spéciale des terres et autres biens sont transmis au président de la République et au ministère ayant les terres dans ses attributions pour information et usage. Dieudonné Mbonimpa, c'est le porte-parole de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB. En page sécurité, deux corps d'hommes vêtus en ancienne tenue militaire ont été enterrés en zone Munini de la commune Provence Bururi l'après-midi de ce vendredi. Selon les informations obtenues auprès des riverains de la dite localité où ces corps ont été découverts, ils indiquent qu'ils se décomposaient déjà. Frédéric Nyonzima, gouverneur de la province Bururi, dit que des enquêtes sont en cours. Pour en savoir plus sur ce cas, les précisions de Jean-Pierre Misago. À l'ancien emplacement des abris temporaires pour les vaches à Rurimwe, dans le massif montagneux de Kibibi sur la colline Muyang dite Doharawe, c'est là où ces deux corps ont été découverts selon certains habitants de cette colline. Ce sont les gardiens de vaches qui ont alerté l'administration et la police après avoir aperçu un morceau de l'ancienne tenue militaire qui allait être avalé par une vache. Après les avoir désinfectés et emballés dans des sachets, ces corps ont été ensuite enterrés dans ce même massif selon des sources sur place qui indiquent que même si l'endroit était visiblement fréquenté, il n'y avait pas d'abri sauf des patates douces, haricots, quelques médicaments et ustensiles de cuisine. Selon certains habitants de cette colline, cette situation est inquiétante et mérite la vigilance des forces de défense et de sécurité opérant dans cette localité qui abriterait des bandits armés, rapportés ces derniers temps surtout en zone Bamba. Frédéric Nyonzima, gouverneur de Bururi, confirme la découverte et l'enterrement de ces deux corps en décomposition et informe que des enquêtes sur ce cas sont en cours. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. De Bururi, au sud du Burundi, rendons-nous en province Mwaro, c'est au centre du pays où certains parents de la colline Bugorora, en commune Rusaka, s'inquiètent de certains jeunes qui passent des journées sans rien faire. Ils pensent que ce désœuvrement peut pousser ces jeunes à adopter un mauvais comportement. Les autorités administratives dans cette commune et le responsable de la police dans cette province demandent plutôt à ces mêmes parents de prendre le devant dans l'éradication de ce phénomène, nous rapporte Laurent Dikuriyo. Ngaimbesha Celestin, membre du comité collinaire de la colline Bugorora en commune Rusaka de la province Mwaro, dit que certains jeunes de cette colline passent des journées devant les boutiques de la place en train de causer. Pourtant, leurs parents sont au travail, soit au champ, soit dans d'autres activités. Cela est confirmé par certains autres habitants de cette colline et même celles des environs. Ils précisent que si ces jeunes sont inoccupés, ils peuvent adopter de mauvais comportements, comme par exemple commettre des cas de vol ou s'adonner à la consommation des stupéfiants. L'administrateur de la commune Rusaka Bernardine Nduimana demande à ses mêmes parents de prendre des mesures nécessaires pour que ces jeunes cessent ce désœuvrement. Pour son responsable administratif, il ne faut pas qu'un parent se rende seul au champ, laissant son fils croiser les bras. Même son de cloche du côté de la police. Le commissaire de police en province Mwaro, Agaton Kassa, demande aux parents de ces jeunes de ne pas les laisser dans leur inaction, mais de les forcer à se rendre au travail. Le gouverneur de la province Mwaro dit quant à lui que ces jeunes devraient participer aux travaux de développement. Par exemple, la réhabilitation de certaines pistes impraticables. Il donne l'exemple de la piste qui relie la colline Bugorora en commune Rusaka et celle d'Ongorore qui se trouve en commune Ndava. De Mwaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dikuriyo et de Mwaro. Rendons-nous en province Muyinga au nord du Burundi pour parler agriculture où des caféiculteurs de cette province accusent certaines stations de lavage d'opérer une mauvaise catégorisation du café cerise. De grandes quantités sont classées dans la catégorie de cerise B, moins chère qu'un supposé de mauvaise qualité. Et les gestionnaires des stations signalent que ceux qui grognent sont les caféiculteurs qui n'entretiennent pas correctement les vergers caféicoles et produisent en conséquence du café de moindre qualité. Une information que nous devons à notre correspondant en province Muyinga, Dieudonné Nzeimana. Je vous l'avais également annoncé en titre. Ce 6 avril 2019, le Burundi se rappelle de ce grand chanteur Chandra Missi après 23 ans de sa mort. Eh bien, ce grand chanteur, auteur, compositeur, instrumentiste a contribué au développement de la musique burundaise dans les années 70. Il a remporté plusieurs trophées nationaux et internationaux. Le message véhiculé à travers sa musique était surtout basé sur la beauté de sa patrie, le Burundi, la bravoure des anciens Burundais, sans oublier de parler des phénomènes, des problèmes sociaux que rencontrent les familles et toute la société. 23 ans après, le Burundi se rappelle de lui, Christian Savi. Fils de Sissi Hussein et de Asina, Chandra Missi est né en 1957 sur la colline de Shikiro. Nous sommes au chef-lieu de la province de Ngozi, au nord du Burundi. Il est issu d'une famille de 7 enfants. Il grandit en Ngozi et fait ses études secondaires au collège Don Bosco de Burengo. En juillet 1977, à l'âge de 20 ans seulement, il participe à Bujumbura à un concours national pour la promotion de la musique burundaise organisé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Pour sa première participation, il remporte le prix du meilleur chanson interprétée en soliste avec une ballade intitulée Nachi Changirungu, dont il est le compositeur. En 1978, pour son premier concert public dans la salle de spectacle du Collège Saint-Esprit de Bujumbura, la soirée avait généré des recettes records de plus d'1 million de frambous. En 1979, il quitte l'orchestre national et s'engage avec Amabano. Avec sa nouvelle formation, il compose plusieurs chansons, dont l'une, Ewe Burundi Ngira Ndakuririmbe. Ewe Burundi Ngira Ndakuririmbe. Ewe Burundi. Et en 1981, il remporte en soliste un des prix du concours découverte, lancé la même année par la Radio France Internationale RFI. La chanson primée est Sogokuru Yari Ntwari. La même année, avec la même chanson, il remporte à Dakar le prix Kalao. Chandra Missi meurt le 6 avril 1996. Chancho Amisi. Ce samedi, le monde célèbre la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Dans un communiqué sorti ce samedi par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, il appelle les personnes de tous âges et tous les horizons de pratiquer le sport non seulement pour le bien-être physique et mental, mais également pour affirmer une paix durable fondée sur le respect et le dialogue. Cette journée a été initiée en 2013 dans une réunion des Nations Unies et a été célébrée pour la première fois le 6 avril 2014. Voilà, à 18h18 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Alphonse Kubgimana qui a assuré la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de la presse. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Sale temps pour les opposants, titre le journal Iwachu. Certains des opposants dans les provinces du sud du pays estiment que l'intolérance politique s'est exacerbée dans ces provinces. Vagues d'arrestations, interdiction de réunion, ils demandent que la communauté internationale suive de près la situation, rapporte l'hebdomadaire. Les dirigeants des partis SNL, Frodebou, SNDD et RANAC dans la région sud du pays protestent contre ce qu'ils qualifient d'intolérance politique qui sévit dans les provinces de Lumonge, Makamba et Bururi. Le parti Sawanya Frodebou lui aussi dénonce des contestations quand il s'agit d'implanter des comités au niveau des collines, les communes de Kayogoro, Mabanda et Nyanzalak. À l'approche des élections de 2020, ces dirigeants des partis de l'opposition demandent à la communauté internationale en général de suivre de près la situation, notamment le rétrécissement de l'espace politique, une situation qui se généralise dans les provinces Chibitoke, Makamba, Ngozi, Karuzi et Kirundo. Ces différentes arrestations sont collées sur le dos des jeunes du parti au pouvoir. En réaction, les dirigeants des partis politiques doivent appeler leurs militants à la retenue, estime Abel Gachati de l'Uprona. Pour Agaton Gwasa du CNN, c'est une intolérance politique inacceptable. Il faut se conformer à la loi, affirme le porte-parole du ministère de l'Intérieur et annonce Ninette Mutoni du CNDD-FDD de féliciter les Imbonerakure pour leur retenue face à la provocation. L'agence en ligne Net Press écrit sur une réunion tenue vendredi 29 mars dernier par le ministre de l'Énergie et des Mines avec les cadres et agents de la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, régie des eaux. Le ministre Ekom Emanirakiza accuse les hauts cadres de la régie des eaux d'acheter des équipements gravitants autour de 13 milliards de nos francs qui ne sont pas toujours opérationnels, ainsi qu'une partie du personnel sans cahier de charge. Le journal Burundi Echo revient lui aussi sur ces malversations économiques qui guettent la régie des eaux. Le ministre fait savoir que des agents rusés négocient avec des industriels pour contourner les compteurs électriques. D'autres industries se font enregistrer dans la catégorie des ménages. Pire encore, les agents de recouvrement font un deal avec les clients. Ils falsifient les factures de l'eau ou de l'électricité et bénéficient en contrepartie 10% de la facture, regrette le ministre Manirakiza. La situation est telle qu'elle est, poursuit Burundi Echo, alors que des milliers de ménages sont privés d'électricité au Burundi. De plus, les unités de transformation dispersées un peu partout dans le pays peinent à fonctionner faute d'électricité. Revue de la presse. Le journal La Voix de l'enseignant a écrit qu'à Lumonge, le milieu scolaire n'est pas totalement à l'abri des messages qui divisent. Ce n'est pas généralisé, mais des messages de haine sont véhiculés par les élèves, les enseignants et les autorités en milieu scolaire. Les enseignants sont étiquetés suivant leurs origines régionales. Abanyaruguru, pour ceux qui viennent des hauteurs, différents des habitants de la plaine, les Banyaruguru sont taxés d'être stricts, voire méchants, quand ils interrogent et ne sont pas traités. Égide Niyonsaba, représentant du syndicat qu'on appelle Salumonge, n'y va pas par quatre chemins. Les élèves sont le relais des messages de haine à travers les surnoms pour les enseignants. Les enseignants sont aussi étiquetés selon leur province d'origine et selon leur appartenance ethnique. Ainsi, le terme de Mugamba fait immédiatement référence à l'ethnie Tutsi et aux non-natifs de Lumonge. Page santé avec l'agence burundaise de presse, la tuberculose touche plus de 8000 personnes chaque année. Selon le docteur Girukushaka, porte-parole du ministère burundais de la santé publique et de lutte contre le sida, le Burundi est confronté à la tuberculose qui, chaque année, touche près de 8000 personnes, parmi lesquelles près de 800 souffrent de la tuberculose associée au VIH-Sida, ajoutant que la tuberculose résistante reste une préoccupation avec près de 50 patients chaque année. En réponse à cette problématique, écrit toujours l'ABP, le pays a aligné ses stratégies et réponses nationales pour mettre fin à cette maladie d'ici 2035. L'infertilité dans le couple, ce n'est pas une tare féminine, d'après le billet des blogueurs Yaga. Avoir un enfant n'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Si certaines femmes tombent enceintes au premier essai, d'autres peuvent attendre des années ou même en vain pour voir leur ventre rebondir. Cette situation affecte profondément la vie du couple, mais surtout la femme qui est souvent considérée comme la cause du problème. Malheureusement, peu d'hommes vont faire le premier pas pour des examens médicaux. Au contraire, certains vont coucher en dehors du lit conjugal pour voir s'ils peuvent faire un enfant de leur côté. Certes, certaines femmes le font aussi, mais c'est moins facile pour les femmes que pour les hommes. Le billet de Yaga se termine par cette phrase. La femme ne devrait pas être marginalisée, car même sans être mère, elle reste un être humain, une femme à aimer et à respecter. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Francine Ndiokubgayo. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Revue de la presse.